Alors, c'est bien la musique thème de l'émission Rock de Neurones. Et même si l'émission est enregistrée à mon domicile, elle est toujours diffusée à partir de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous nous entendez les lundis soirs, eh bien, on est en direct. Sinon, on est en différé. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on aura Drowning Steps du Brésil. On aura Sleeping Pandora d'Allemagne, Big Picture des États-Unis. On aura une nouveauté de la France. Le groupe s'appelle K.O.R. Et du côté de l'Espagne, on entendra Canarios. Et on a un groupe italien aussi du nom de Elio Eli Storie Tese. Et le dernier bloc de l'émission sera consacré à Arion, qui a fait un spectacle récemment pour souligner les 20 ans de la parution de Electric Castle. Alors, on débute avec Drowning Steps. Ça va occuper le premier bloc de l'émission qui habituellement est consacré à un groupe, en fait, l'album de la semaine. Et bien, cette semaine, c'est, comme je le mentionnais, Drowning Steps. C'est un groupe brésilien. En fait, c'est un duo qui est accompagné de plusieurs musiciens. Et c'est leur troisième parution. Il y a eu deux albums précédents en 2018. Le nouvel album, ben, il s'intitule « The Echo of a Distant Past ». Et on va entendre quatre pièces sur les six. Alors, on aura « Where is my life ?», on aura « The Inner Silence »,« Affected » et « The Echo of a Distant Past ». Ça, ça se trouve être la pièce titre de l'album. Alors, on y va maintenant avec Drowning Steps. Sometimes I wonder, where is my life? What if I came back? Would I be fine? Always I'm worrying for what is to come. World is becoming a dark place to be. All the things that were changed. Maybe I'm frightened, but what can I do? I'll be always searching for peace in my memory. Dreams come true. Where did I go? everything is a trouble. Disappear and drown in my inner, the way I started, I will finish. I thought I could search and answer, but everything is a trouble. Disappear and drown in mine the way I started. I will finish. Dreams sky was the limit. We ran through of the fields and smile without thinking how the memories fit together like never happened. And now I'm sure this moment is mine. The breeze is gone, and I thought it was just imagination. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. On est donc rendu au deuxième bloc de l'émission et on a trois groupes de provenance différentes. On aura Sleeping Pandora d'Allemagne, on aura Big Picture des États-Unis et K.O.R. de la France. Sleeping Pandora, mais c'est un groupe qui existe quand même depuis 2017, donc trois ans. Mais quand même, 5 albums studio à leur actif. Et le dernier, bien, c'est Signs in the Sky. Et extrait de cet album-là, bien, on va entendre la pièce Ray Tracing. Ensuite, on va aller du côté des États-Unis avec un groupe qui a fait un seul album en 1993. Le groupe s'intitule... C'est-à-dire l'album du groupe s'intitule Big Picture, qui est le nom du groupe. Et la pièce que j'ai extrait de l'album, c'est Shine On. Ensuite, du côté de la France, il y a un groupe qui s'appelle K.O.R. Alors, il s'appelle K-E-O-R. Deux albums, le premier en 2016 qui s'intitule Hive Mind et le deuxième en 2018 qui s'appelle Petrichor. Et tiré de cet album-là, bien, on va entendre la pièce Terrence. Alors, on y va avec Sleeping Pandora. Thank you. Thank you.

down, I'll be watched. But if I listen to your talents, I lose my head and we'll just rejoice. If I get there. de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. So we made it so far, right? Maintenant, on va aller du côté de l'Espagne en 1974 et on parle du groupe Canarios. Ils ont deux albums durant cette période-là, le premier en 1970. Et je vais vous faire entendre quelque chose qui est extrait de l'album Cyclos, qui est paru en 1974. C'est un album qui comprend plusieurs pièces assez longues. En fait, il y a quatre volets là qui durent pas loin de 20 minutes chaque. Et je vous propose le quatrième volet. Ça s'intitule « Quarta Transmigration ». Et on va aller après ça en Italie avec un groupe plutôt rock que prog. Le groupe s'appelle « Elio e le storie tese ». L'album, c'est « Figata de blanc ». Alors, on débute ça avec « El Los Canarios ». While the two meet apart, the Thank you. ciclo de ciclos, una página más en el diario del programador supremo. Sostenendo con la forza della ragione che una bomba possa essere molto intelligente, le potresti domandare poco prima dell'esplosione la descrizione d'un tramonto, o si è fatto già l'amore oppure no. A quel punto questa bomba molto molto intelligente parlerebbe, lo direbbe con il cuore in mano, racconterebbe del suo amore, che era un mitico aeroplano, che diceva il mondo è strano, forse è meglio stargli lontano, mon amour. Ma quel rubacuore mi portava contro vento. Avrebbe detto che poi mi schiacciava qui, seducendo il congegno di puntamento, dimostrandosi una bomba molto intelligente, con un gesto eccezionale strizza il cuore il suo potenziale, e tuffandosi nel mare abbracciò tutta la gente e salutò peccatore che la guardava contro vento. Ma quale amore non era amore quello lì? E intanto cambiano le stagioni e le opposte fazioni stilano accordi e conclusioni, e che non tengono conto e non prevedono eventuali amori. Eventuali! Ci mise amore a stare zitto lì sul fondo. Che grande giorno quando un pesce diventò. Sostenendo con la forza della ragione che una bomba possa essere molto intelligente, le potresti domandare poco prima dell'esplosione la descrizione d'un tramonto, o si è fatto già l'amore oppure no. Ma puttana, ma è bello, sta solo di chitarra, ragazzi. Ma che chitarra? Ma cosa hai ascoltato? Ma guarda che questo è un violino, è un violino rock. Ma è Mauro Pagani che suona. E quello faceva zinzunzan, poi gli mi hanno detto: ma non sei capace a fare zinzunzan, zinzunzan, zinzunzan. E questo l'ha fatto. Con distorsione. È il violino rock. Ma porca miseria, ma questo ragazzi è gli spacchi con la passere. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. En 1998, le groupe néerlandais Arion a sorti un album double qui est devenu un classique dans le genre. C'était Into the Electric Castle, un album double. Et 20 ans plus tard, en 2018, ils ont sorti une version anniversaire pour souligner justement les 20 ans de cet album-là majeur. Et l'année d'ensuite, il y a eu une série de spectacles. Et il y a eu une captation live de plusieurs pièces. En fait, il y a eu un album double qui est sorti. Et cet enregistrement-là, bien, il y a eu lieu en 2019, en septembre. Puis la version disque là, est sortie en mars, le 27 mars de cette année. Cet album-là contient 25 chansons. On y retrouve des artistes invités, des habitués du groupe Arion comme Annick van Geersbergen, on a Damien Wilson aussi, puis on a des invités de marque comme Fish et aussi Dish Van Leer, le flûtiste du groupe Focus, qui lui aussi vient des Pays-Bas. Alors, on va consacrer le bloc en entier avec 4 extraits. Et les extraits sont ceux que je préfère. C'est Isis and Osiris, Amazing Flight, The Decision 3. Et on aura une version de Robbie Valentine. Je pense pas que ça apparaissait. En tout cas, moi, je me rappelle pas de cette pièce-là. Mais c'est très bien exécuté. Alors, on y va avec Arion. That I've arrived. It's now the time I've been for all my sins. I can't believe that this is God's creation. This realm was fashioned by the demon's hand. Redemption. How can we travel when our souls are lost? You think we find ourselves at gates of new salvation, when I can only sense the end is here. Thank you. stars? Can you recognize the constellations? If I could only see the hills that we're supposed to climb. Even the sunlight doesn't warm. Doesn't warm. How are we gonna find a way? If we can't recognize the stars, if we can't recognize the constellations, where do we go? Quest. God forbid I am no coward. Been in a game. There's no need to get uptight. Our eyes reflect the stars and the smile lights up my face. We're on an amazing flight to space. That's alright. Like there's no need to get uptight. My eyes reflect the stars and the smile lights up my face. We're on an amazing flight in space. mortals, you finally all arrived. The party begins with 8. In the shade of the decision tree, you have an important choice to make. Up till now, it's all been fun. The cursing, the sobbing, the crying and the shouting. And I love your silly notions, Avalon, Elysium, stations on the moon, all so endearing. But humans, listen to my words. The road ahead is dangerous. Now only 7 will continue on this quest. So make a choice and make it quick. Survive or death. What about the craven, the one who's lost his pride?